إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا هذا اللقاء فنسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء وقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود فيه من الغرباء أو من الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية الغرباء الذين يصرحون إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء الذين يصرحون ما أفسد الناس من سنتي. Donc ça c'était pour commencer le début de la parole de l'auteur. Le début de la parole de l'auteur. Dans ce chapitre immense. Donc c'est l'un des chapitres de ce livre concernant les mérites de l'islam. Un livre immensément important et précieux. Et donc, l'auteur a rédigé des chapitres, et ces chapitres ont des intitulés. Entre autres, l'intitulé de ce chapitre, c'est « Babu ma ja'a fi ghurbati l'islami wa fadli l'ghuraba » chapitre concernant l'étrangeté de l'islam et le mérite des étrangers. Et regardez « Adab al-ulama », le comportement des savants et leur manière de faire. Lorsqu'ils, souvent, les savants conseillent, lorsqu'on commence un conseil, un serment, un prêche ou un rappel, ou même dans les écrits, de faire prévaloir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous voyez, souvent, les savants commencent par la parole du Créateur subhanahu wa ta'ala et ne font rien devancer devant la parole du Créateur Jalla Jalalu. Et on voit que l'auteur, Al-Muslih, Al-Imam, Al-Mujaddid, souvent dans ses œuvres, il utilise ce style et emploie ce style et suit cette méthodologie. C'est apparent du fait que là, Babu Maja fi ghurbati l'islam wa fadli l'ghuraba, il va citer le verset 116 de Houd. Il commence par citer ce verset. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا. Il l'a, qalilan, dans le verset de traduction relative de ce verset. Et si, falawla kana min al-quruni min qablikum, Allah fait allusion aux anciens siècles, les anciens siècles qui ont précédé. Il dit qu'ils sont venus avant vous. Ulu baqiyatin, s'il n'y avait pas parmi eux, une partie d'entre eux, ulu baqiyatin, yanhauna anil fasadi fil ard illa qalilan, qui blâmait, désapprouvait la corruption sur terre, et Allah dit « illa qalilan » même si ils étaient peu, s'il n'y avait pas au moins ce peu. « Minman anjayna minhum » parmi ceux qu'Allah azawajal a sauvés. Donc il nous parle de gens depuis les siècles précédents, même s'ils sont en petit nombre, mais Allah azawajal fait l'éloge de ces gens. Et regardez, l'auteur d'abord cite ce verset-là, il cite la parole du Créateur subhanahu wa ta'ala, comme il le fait dans d'autres œuvres. Regardez dans le Kitab al-Tawhid, il cite directement lorsqu'il commence Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, la parole du Créateur, wa ma khalaqatul jinn wal ins illa liya'budun. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il commence وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. Et la parole d'Allah, il cite le verset. Il cite le verset. On avait même expliqué jusqu'à ce que certains savants, pour cela, ils ont divergé sur le début du livre. Est-ce que ça, ils le considèrent comme un chapitre de Kitab al-Tawhid ou bien ils le considèrent comme une introduction? C'est pour ça que vous allez voir dans certaines éditions, il y aura un chapitre en plus que d'autres éditions par rapport à ceux qui considèrent que c'est un chapitre et que وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que ça c'est l'intitulé du chapitre. Puisque vous avez vu des autres chapitres, parfois ils les intitulent avec, ils se servent de versets, de passages du Coran, et souvent certains passages du Coran sont des titres au livre, à certains chapitres, des titres de certains chapitres. Et d'autres savants considèrent que c'est une muqaddima, par exemple. Mais il fait prévaloir ici, il commence par la parole du Créateur, du noble et saint Coran. Qala. Et là, ensuite, il cite le hadith de Abu Hurayra, marfu'an. Donc ce hadith-là, il remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là qu'on va étudier. Bien sûr, on va étudier des paroles de pieux prédécesseurs, puisque l'auteur va citer des paroles de pieux prédécesseurs. Mais la base de ce rappel est donc ce chapitre-là est fondé et basé, vous avez vu, sur le verset précité, le verset 116 de la Sourate Hud. Vous pourrez y revenir, Inch'Allah, vous y référez. Et aussi ce hadith-là, le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté aussi bien dans l'authentique de l'imam Muslim, qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, où le prophète en salam dit, on traduit littéralement, ensuite on prendra l'explication, que l'islam est venu étranger ou a commencé, a débuté, bada al-islamu ghaliban. L'islam a commencé étranger. Wa sayaudu kama bada'a ghaliban. Et il reviendra comme il a commencé, comme l'islam a débuté, étranger. Fatuba lil-ghuraba. Et donc, une traduction relative, heureux soient les étrangers, rapporté par Muslim. وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ. Et comme on va le voir ensuite, il y a une description de ces étrangers qu'on va étudier. Dans un récit, le compagnon Abdallah ibn Mas'ud a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, مَنِ الْغُرَبَى. Mais qui sont-ils ces étrangers? Puisque aussi bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du début et du commencement de cette religion, que cette religion a commencé étrangère, et elle reviendra étrangère, comme elle a commencé, et heureux soient donc ces étrangers, les partisans de cette religion. Alors des compagnons ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces étrangers, et c'est ça qu'on étudiera aussi dans ce qui va suivre. Donc ici, le prophète, il est rapporté, fi riwaya, qala nuzza'u min al-qaba'il. Et dans une autre version, il dit, al-ghuraba'u alladhina yasruhuna idha fasada an-nas. Les étrangers, c'est ceux qui seront bons, qui se réformeront, alors que les gens vont se corrompre. وَلِتِّلْمِذِي مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ. Et d'après l'imam al-Tirmidhi, d'après le hadith d'un homme qui s'appelait Kathir ibn Abdillah, d'après son père, d'après son grand-père. Lorsque le prophète a dit « Touba lil-ghuraba » et dit « Heureux soient les étrangers, ceux qui seront bons, oh, ceux qui vont « Yusrihuna ma afsada an-nasu min sunnati » ceux qui vont réformer ce qu'ont corrompu les autres de ma tradition. » Alors que il est dit dans cette version-là que certains vont dénaturer, corrompre la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des gens viendront la réformer. Comme il est dit dans le récit. La différence dans ce qu'on dit, yasluhun, c'est-à-dire que eux sont bons et réformés, et si c'est yuslihun, c'est-à-dire qu'ils sont cause de réforme. Là, c'est le début du matn. Le début du matn. Et vous allez voir que ce hadith-là est immensément important. Et vous allez voir le rappel qu'il y a à travers l'étude de de ce hadith. وخاصةً في هذه الأيام لا سيما في هذه الأيام surtout en ces jours في هذا الزمان en cette époque il faut se faire le rappel de cela et la pertinence de cela je pense que beaucoup d'entre vous vous avez vu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ça fait partie ces hadiths là Allah fait que parmi sa grâce ça fait partie des hadiths qu'on a connus peut-être pas dès le début de notre cheminement, mais, alhamdulillah, très tôt, on a connu ces hadiths. Et les savants nous ont enseigné ces hadiths. Pourquoi ? Parce que c'était cause vraiment de motivation, l'écoute de ces hadiths. Et c'est pour ça que, avec l'âge, avec les années, parfois, on commence un peu à se laisser emmener par la vague de l'amour de cette vie d'ici-bas. On cesse un peu emporté par la vague du matérialisme, de l'individualisme. Donc on se laisse emporter avec le temps. Et lorsqu'on revient, on se rappelle ce hadith-là, ça nous fait un rappel, un immense rappel, comme vous allez voir. Et comment il ne serait pas ainsi ? Pourquoi ? Parce que même les pieux prédécesseurs, imaginez-vous, les successeurs des compagnons du prophète, ceux qui ont vécu à l'époque des compagnons du prophète, ensemble, se faisaient le rappel avec ça. À l'époque. Pourtant, c'était l'époque qu'on appelle « Al-Qurun al-Mufaddala », les meilleurs siècles de l'islam. Imaginez-vous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu la révélation. Le livre d'Allah azza wa jal venait à peine de descendre. Et les compagnons ont vécu cette révélation. Ils l'ont vécu. Ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le messager d'Allah. Ils ont appris de lui. Dans leur manière de se tenir, dans leur manière de se comporter, dans la religion. Imaginez-vous l'époque de Kibar al-Tabi'in, les grands, cette époque-là des successeurs des compagnons, eux, ils ont accompagné les compagnons du prophète, c'est-à-dire ils ont accompagné ceux qui ont accompagné le prophète, en somme. Imaginez-vous le fardu. Et donc, eux, ils apprenaient auprès de gens, ces gens-là de Zaman al-Tabi'in, auprès de gens qui, lorsqu'ils leur enseignent, le messager a dit, le prophète un jour a fait cela. Il leur parle du prophète, subhanallah. C'est Ajib. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous regardez juste avant ce chapitre, vous regardez ce qu'a mentionné l'auteur juste avant ce chapitre-là et de mentionner ce hadith. L'auteur va mentionner une parole d'Abul Aliya, juste avant. Et Abul Aliya, il faisait partie des gens de l'époque de Zaman al-Tabi'in, mais des grands Tabi'in. C'est-à-dire des grands Tabi'in, c'est vraiment cette génération, les premiers Tabi'in, les successeurs des compagnons. Wa adraka ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a vécu à l'époque de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez juste avant Beb, ce chapitre-là, l'auteur du livre, il mentionne justement un athar de Abul Aliya, ce grand tabi'i, qui dit « Ta'allamu l'islam, ta'allamu al-islam, fa'idha ta'allamtuh, fa'idha ta'allamtuhu, fala tarrabu an, wa alaykum bis-sirat al-mustaqim, fa'innahu l'islam, wa la tanharifu an al-sirat yaminan wa shimala, wa alaykum bisunnati nabiyyikum, wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. » Intaha. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب تبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الآية وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة ومعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها أو أشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا قال جل وعلا أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي ثم قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والنسائي. Je vais pas faire la traduction pour qu'on puisse avancer et revenir à notre chapitre. Mais là, c'est là en résumé. Abu al-Ali, fi zaman at-tabi'in. À l'époque, ils ont appris avec les sahaba. À cette époque-là, il appelle les gens, il conseille les gens de s'attacher vraiment à leur religion sans innover et de faire attention aux passions et aux innovations et à dévier du droit chemin. Regardez ce que va dire dans le Sharh l'auteur du commentaire. كلام أبي العالية هذا خرج منه الإمام رحمه الله بفائدة وهي. Pourquoi l'auteur l'a cité? أن هذا الكلام وجهه أبو العالية إلى الناس في زمانه. أبو العالية donc cette parole qu'on vient d'entendre, il l'oriente vers les gens de son époque. Subhanallah. Faites attention à l'innovation. Ne vous détournez pas de la sunna du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il fait attention à bien citer le verset où Allah Azza wa Jal nous rappelle que les prophètes, et c'était la recommandation, la wasiya de Ibrahim, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din. La recommandation d'Ibrahim à son enfant Yaqub, lorsque dit oh mon enfant, Allah a choisi pour vous s'être le fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez que en étant musulman. C'est la recommandation d'Ibrahim à son fils Yaqub, des prophètes. Abu al-Aliya, il leur fait cela, dans le commentaire, il dit le shir, il oriente cela aux gens de son époque. Zaman tabi'in, c'est l'époque où des compagnons sont vivants. Subhanallah. Qala wa zamanuhu fi kibar tabi'in, wa fihi l'ulama, wa zuhad, wa l'ubbad. Et il dit, c'est une époque où il y a les grands tabi'in qui sont vivants. Les grands tabi'in qui sont vivants. Est-ce qu'il y a encore des compagnons vivants? Wallahu alam. Wallahu alam, ça c'est une recherche à refaire. En tout cas, il dit, à son époque, les grands tabi'in sont vivants. Il y a la présence de grands savants, de grands imams, de zuhad, de grands ascètes, wa al-ubbad, de grands adorateurs, wa fihi zuhur as-sunnah wa dha'f al-bid'ah wa in'idam al-bid'ah illa ma sha'a Allah. Et la sunna du prophète est apparente, propagée. Et l'innovation, elle est pas apparente, elle est pas propagée à cette époque-là encore. Elle est pas vraiment émergente à cette époque-là encore. Pourtant, فخاف أبو العالية على أولئك ووصاهم بهذه الوصية. Pourtant, lui, à son époque, la présence de grands imams, d'ascètes, d'adorateurs, de dévots, cette époque-là, Kibar al-Tabi'in, il a peur pour les gens et leur fait ce rappel. فما بالكم فينا نحن. Quel est notre cas à nous d'avoir encore plus peur? Alors maintenant, vous allez comprendre. Justement, pour bien comprendre le chapitre, ça nous aide aussi. C'est après ce long athar qu'on vient de citer, de Abu al-Aliya, que l'auteur ensuite cite le chapitre concernant l'étrangeté de l'islam et le mérite des étrangers. Et d'ailleurs, juste avant, il a conclu avec le célèbre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Abdallah ibn Mas'ud, lorsqu'il dit qu'un jour le prophète était avec eux, il a tracé sur le sang un long trait en disant « Voici la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala ». Et il conclut avec le verset de la sourate 153 de la sourate Al-An'am, le verset 153. On revient maintenant au hadith, au commentaire de ce qu'on a lu du matin. قال الشارح هذا الباب مناسب لعنوان الكتاب. Il dit ce chapitre-là convient avec le titre du livre. Le titre du livre, c'est les mérites de l'islam. Une traduction relative, ou les faveurs de l'islam. Donc ce chapitre-là qu'on va étudier, concernant l'étrangeté de l'islam, ça convient avec le livre, puisqu'on parle des mérites, des faveurs, du bienfait de cette religion et de l'islam. Et il n'y a pas de doute que chaque musulmane considère que sa religion, c'est un grand bienfait, c'est une richesse, la plus grande des fortunes, le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé. فَهَذَا الْبَابِ فِيهِ ذِكْرَ الْغُرَبَى وَمَا جَاءَ فِيهِمْ وَهَذَا الْكِتَابُ وَكِتَابُ فَضْلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِأُصُولِ الْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ الْوَجْهِ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَأَلَّا يَحِيدَ عَنْهُ الْمُسْلِمُ وَهَذَا إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ تَمَسَّكَ فَسَيَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَمْكِنَةِ سَيَكُونُ غَرِيبًا. C'est l'auteur maintenant, il rentre dans le vif du sujet. Il dit donc, et c'est très pertinent, il dit donc, si tout musulman considère le bienfait de l'islam, comme on l'a dit précédemment, et il dit donc, dans ce qui a précédé, dans l'œuvre de l'auteur, on a vu que les bienfaits, les faveurs de cette religion. Donc le musulman, il va s'accrocher à cette religion et s'attacher donc à sa religion. Comme il dit, فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِأُصُولِ الْإِسْلَامِ et s'accrocher aux bases de sa religion. وَإِقَامَةِ الْوَجْهِ لِلدِّينِ حَنِيفًا et donc de ne pas dévier de cela. وَهَذَا إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ تَمَسَّكَ فَسَيَكُونَ et donc maintenant il dit, celui qui va s'attacher comme il se doit et comme il convient à sa religion, alors il dit, dans certaines situations, ou à certaines époques, ou selon certains lieux, il se retrouvera étranger. Il se sentira étranger. Et là, on comprend maintenant la pertinence d'avoir cité ce chapitre, avant la conclusion, vous avez vu, du livre. Puisque lorsque l'auteur va nous mentionner, tout au long de son œuvre, les bienfaits de cette religion. Si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte vraiment, malgré que le musulman connaît les bienfaits de sa religion, il est conscient, mais lorsque vous lisez vraiment les textes et le rappel qu'il y a, subhanallah, vous vous rendez vraiment compte de la grandeur et du bienfait de cette religion. On a vraiment quelque chose de précieux qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé. Et l'auteur maintenant nous apprend, si on a compris cela, automatiquement on va s'attacher à cette religion. Et si on s'y attache, à un moment donné, selon certaines situations, selon certains endroits, selon l'époque, on va se trouver, se sentir, se ressentir étranger. On va sentir cette étrangeté. قال فرجع الأمر إلى أن أولئك الغرباء في زمانهم فضل الإسلام عليهم ظاهر. Mais l'affaire revient à dire que ces étrangers-là, fizamanim, à leur époque, le bienfait de cette religion est clair et apparent. Wa minnatullahi azza wa jal alayhim bitamassuki wal istimsak bil huda wa din al haqq bayna al zahir wa ad-da'wah ila sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma fi dhalika min al ajri wa ma yalzamu li dhalika min al sabri ma huwa bayyin. Et donc il dit, et donc ça fait partie des donations, des grâces d'Allah azza wa jal sur nous. Et donc, il faudra faire ce qu'on appelle tamassuk al-istimsak. Al-istimsak, vraiment se cramponner, s'accrocher, à la guider, à cette religion, wadin il-haq, d'une manière claire et apparente. Wad-da'watu ila sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, et appeler à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma dhalika min al-ajri, avec la récompense qu'il y a, wa ma yalzamu li dhalika min al-sabr, ma huwa bayyin. C'est pour ça qu'il dit وَمِنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَلَيْهِمْ بِالتَّمَسُكِ وَالِسْتِمْسَكِ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ وَالدَّعْوَةُ إِلَى سُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَمَا يَلْزَمُ لِذَلِكَ مِنَ الصَّبْرِ مَا هُوَ بَيِّنٌ وَالْكَلَامُ عَنِ الْغُرَبَاءِ لَا شَكَّ أَنَّهُ كَلَامُ ذُو شُجُونٍ وَذَلِكَ أَنَّنَا لَا نَخْلُو فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ وُجُودِ طَائِفَةٍ غُرَبَاءَ حتى في زمان التابعين بل وفي أواخر زمان الصحابة حصلت بعض الغربة وفي زمان التابعين ازدادت الغربة وصارت في الأزمنة المتأخرة ظاهرة ولذا ولهذا نقول إن الغربة بأحد الاعتبارات تنقسم إلى غربتين غربة ظاهرة وغربة باطنة. Maintenant, Cheikh, il va nous enseigner quelque chose de très important. Il nous dit qu'il est clair que lorsque la personne va patienter, s'attacher à sa religion et patienter, il est clair qu'à un moment donné, il peut se sentir étranger. Et il dit, ce sujet-là, le fait de parler des étrangers, donc on voit l'importance, mais il dit, ça peut être à chaque époque. Il dit, « Fi كل عصر من وجود طائفة غرباء. Chaque époque, il y a eu un groupe d'étrangers. Chaque époque. Fi كل زمان. Regardez ce qu'il dit. Il dit même à l'époque des tabi'in, les successeurs des compagnons du prophète sallam. Bel wa fi awakhir zaman as-sahaba. Il dit même à la fin de l'ère des compagnons. Il y a une période il y a eu une sorte d'étrangeté. Regardez ce qu'il dit, hasalat ba'd al-ghurba. Il y a une forme d'étrangeté. Même à la fin de l'ère des compagnons, même à l'époque des tabi'in, il dit hasalat, elle s'est produite. Wa fi zaman at-tabi'in izdadat al-ghurba. Mais il dit à l'époque des tabi'in, des successeurs des compagnons, elle s'est accentuée et intensifiée. Wa sarat fil azminati al-mutaakhirati dhahira. Et il dit, mais avec la succession des temps, des époques, avec les siècles qui sont passés, avec nos termes à nous, alors la ghurba, l'étrangeté, là, elle est en train de s'intensifier. C'est pour ça que le sujet est très important, vous allez voir hein, ce qui va suivre, Inch'Allah. وَلِهَادَ نَقُولْ إِنَّ الْغُرْبَةَ بِأَحَدِ الْاَعْتِبَارَاتِ. Donc il dit, selon certains aspects, l'auteur va subdiviser l'étrangeté en deux catégories. Il va dire غُرْبَةٌ ظَهِرَةٌ, une étrangeté apparente. وَغُرْبَةٌ بَاطِنَةٌ, et une étrangeté non apparente, cachée. Donc là, rappelez-vous, l'auteur ici dit, il y a deux formes d'étrangeté. Une étrangeté qui est apparente, zahira, on peut rester sur le terme en arabe, et une étrangeté qui est batrina, une étrangeté qui est cachée. Al-ghurbatu zahira, mathala laha ahlul ilm bi-annaha. Il dit, l'étrangeté apparente, les savants l'ont expliqué, ou ils ont donné des exemples à celle-ci, comme il va l'expliquer et le dire. Comme il va l'expliquer et le dire. Vous savez, quand je lisais ce... Je suis comme vous. Quand je lisais ce passage, je disais, subhanallah, vous allez voir les failles d'Aqilia, comment qu'elles conviennent avec notre époque à nous, qu'on a envie de faire partager ça aux autres. On a envie vraiment de faire partager ça aux autres. Donc, essayez-vous de retenir, de synthétiser, de résumer ce qu'on va dire, et faites partager cela à d'autres, parce que vous allez voir, dans ce qui vient, vous allez voir vraiment c'est propice, ça convient à notre époque, et surtout à nous, avec notre vécu, et ce qu'on vit aussi, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit. Aujourd'hui, ces hadiths du prophète, en fait, nous donnent vraiment de l'espoir, comme vous allez voir dans ce qui va suivre. Alors il dit, premièrement, « Ghurbatun zahira ». L'étrangeté qu'il dit apparente, les savants ont donné des exemples à celle-ci, nous expliquent comme Rurbatu Ahl al-Salah wa al-Ta'a bayna al-Fasaqa wa al-Fujjar. Il dit c'est l'étrangeté des gens bons, des vertueux, des pieux, par rapport aux gens qui s'adonnent à la turpitude, et au mal, et au libertinage. Mais il dit wa Rurbatu Ahl al-Ilm, et il dit aussi, c'est l'étrangeté, donc vous avez vu d'un premier aspect, l'étrangeté de gens bons, vertueux, pieux, et aussi l'étrangeté des gens de science, des gens qui ont un certain savoir, un ilm. Comment ? Regardez le rappel qu'il va faire. Ça, c'est le rappel d'une manière plus particulière pour les étudiants en science, c'est un rappel pour les musulmans d'une manière générale. Regardez ce qu'il va dire. غربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه ليماروا به السفهاء وَلَا لِيَصْرِفُ وُجُوهَ النَّاسَ إِلَيْهِمْ. Cette khurba des savants, quelle est cette khurba? Comment va-t-il l'expliquer le shir? Il dit la khurba des savants, leur étrangeté à ces savants-là, c'est le fait que eux, ils sont droits dans leur demande du savoir. Ils sont droits. Dans le sens, ils sont sincères. Ils ont appris ce savoir pour Allah, il dit. Et ils n'ont pas appris ce savoir pour rivaliser les autres ou les savants. Ou les gens stupides. Ou pour polémiquer, pardon. Les yumaru bihi as-sufaha, c'est pour polémiquer. Ils n'ont pas appris ce savoir pour polémiquer. Et c'est ça ce qu'on appelle al-mira. Al-mira, c'est une forme de polémique. Les yumaru bihi as-sufaha, wala liyasrifu wujuha an-nasa ilayhim. Et pas pour attirer les visages des gens de manière littérale, le regard des gens vers eux. C'est pas ça leur intention. Eux, ils apprennent pour Allah Azza wa Jal. Et vous avez vu ce, on voit bien que l'auteur, il fait allusion à un hadith du prophète, sallam. Où il dit que dans un hadith, il est stipulé justement la mise en garde d'apprendre la science pour rivaliser les savants, pour polémiquer avec les gens stupides ou sots, et pour attirer le regard des gens vers soi-même. Et le prophète, sallam, fait une mise en garde contre cela, car cela mène en enfer. On voit bien que l'auteur fait allusion à ce hadith. Alors il dit, il parle de cette étrangeté des gens de savoir, du fait qu'eux, ils demandent la science sincèrement. فَنَسَلَّهَا جَلَّ وَعَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُخْلِصِينَ. وَكَمَا قَالَ شَيْخ بْنُ عُثَيْمِينَ. Et cette parole a fait peur de Cheikh Ibn Uthaymeen, justement dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, qu'il a nommé Al-Qawlu al-Mufid, بِشَرْح كِتَاب التَّوْحِيد. Ne pas confondre avec l'autre livre, Al-Qawlu al-Mufid بِأَدِلَّةِ التَّوْحِيد, de l'imam al-Wasabi, un Cheikh al-Wasabi qui est décédé aussi. C'est un savant qui est décédé et qui a écrit un épître sur Ilm al-Tawhid, qu'il avait même donné, fait montrer à des savants pour qu'ils révisent et qui ont fait, mashallah, des éloges de son livre. Mais Qawlu al-Mufid بِشَرْح كِتَاب التَّوْحِيد, c'est le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen de Kitab al-Tawhid. Et dedans, il dit une parole simple, mais qui fait peur aussi. Il dit al-ikhlasu sa'b. Al-ikhlasu sa'b. Très simple, en deux mots. Il dit la sincérité, c'est dur. Et si pour des personnes, des mashaykhs, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, tu dis que la sincérité, c'est dur, fama balukum fina. Personne qui est né dans la bienfaisance, dans un endroit propice à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, darasa depuis tout jeune, imaginez-vous, avec Had al-Imam al-Allam al-Sa'di, qui depuis tout jeune, il l'a vu. Il a vu les capacités de cet enfant, alors que Cheikh Ibn Uthaymeen était un enfant. Il a demandé à son père de lui laisser. Subhanallah. فَهُوَ نَشَأَ فِي طَعَةِ اللَّهِ. Il a grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. وَفِي الْعِلْمِ وَوَفِّقْ. Et Allah lui a accordé une réussite. Regardez ce patrimoine religieux, scientifique qu'il a laissé derrière lui, subhanallah. Et cet homme-là nous dit الْإِخْلَاصُ صَعْبُ. La sincérité, c'est dur. فَمَا بَلُكُمْ فِينَا نَحْنُ وَنَشَأَنَا فِي أَحْوَالِ نَسَلَ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِ وَالْخَطَايَا. Alors nous, à plus forte raison, on a peur du shirk. On a peur du polythéisme, on a peur de l'association et de l'ostentation. الشرك الأصغر. Cette ostentation que le prophète صلى الله عليه وسلم disait أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشرك الأصغر فَسُوِلَ عَنْهُ فَقَرَ الرِّيَا. Le prophète avait peur, il disait, c'est la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'ostentation. Donc, Cheikh, regardez ce qu'il dit. الذين خشعت جوارحهم وقلوبهم لله جل وعلا بين من طلب العلم ليس لله وبين من رغب في العلم لكنه رغب لأجل الجاه والمال أو الترفع. سبحان الله. Et dit eux, la différence, leur étrangeté de ces savants, elle est où? Du fait qu'eux ont été sincères. Ils ont demandé cette science sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et dit, et leur cœur, ou plutôt leurs membres, et leur cœur, khasha'at, ont eu de la crainte de leur créateur. Et donc ils ont demandé et appris ce savoir pour leur créateur, pour Allah Azza wa Jal. Wa bayna man raghiba fil ilm. Tandis que d'autres ont eu un désir ardent d'apprendre le savoir, al-ilm. Mais ce désir, en réalité, c'était pour l'obtention de ce qu'on appelle Al-Jah. Al-Jah, c'est un rang. Vouloir obtenir un rang auprès des gens, un peu élevé. On dit que telle personne, c'est une personne qui a de la connaissance. Donc il obtient dans une certaine considération al-jah ou al-mal ou al-mal ou bien de l'argent ou bien at-tarafwa, une forme d'élévation, suprématie par rapport aux autres ou d'élévation. فغربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم وتحري المأكال والمصرف الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون في كل جهة. Et il dit cette étrangeté aussi de ces vertueux, de ces pieux, elle se fait au niveau du ilm, mais aussi elle se fait au niveau aussi de notre argent, de nos biens, de nos dépenses. Alors que cette personne bonne, vertueuse, sincère, lui, il cherche la bonne dépense, il cherche la bonne alimentation, il cherche la bonne nourriture, halal, licite. بَيْنَ أُولَيْكَ الَّذِينَ يَكُلُونَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. Tandis qu'il vit avec des gens qui, eux, sont pas soucieux de cela. Le principal, c'est le gain. Le principal, c'est le gain, l'appât du gain, comme on dit, et ils vont pas faire attention où ils dépensent, ils vont pas faire attention à leur alimentation et autres. Et autres. وَهَذِهِ غُرْبَةٌ وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرها ويتضح ذلك برؤية أصحابها. Et donc il dit cette غربة, là il a donné des exemples, la غربة des gens de science, la غربة des bons, ceux qui évitent la turpitude, la غربة de gens bons dans leurs dépenses, dans leurs aliments et autres. Il dit ça c'est des exemples d'une غربة, d'une étrangeté qui est apparente, qui est ظاهرة, celle-ci elle est apparente. إذن فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة وقد تكون في فئة دون فئة وتكون في العلماء في جهة ما وتكون في العباد في جهة ما فهذه هي الغربة الظاهرة وأساسها الاستمساك بالإسلام الصحيح والناس لا يرغبون في ذلك فإذا استمسك العالم بالإسلام الصحيح ودعا إليه وصبر على ذلك لابد أن يكون غريبا بين أبناء جنسه وإذا سلك صاحب المال في ماله الطريق المحمود فلابد أن يكون غريبا بين أمثاله وهكذا. C'est des exemples, vous avez vu qui donne. Donc il dit, donc là, l'étrangeté, elle peut se faire d'un groupe vers un autre groupe. C'est-à-dire, un groupe de gens peuvent se sentir étrangers par rapport à d'autres. Ou bien d'une fille, pareil par rapport à une autre fille. Il dit, ça peut se faire chez les ulama, chez les savants, qui vont se sentir étrangers par rapport à d'autres gens. Ça touche aussi les ubbad, il dit, les adorateurs, qui vont, eux qui sont dévots, qui sont dans l'adoration du Créateur, vont se sentir quelque part étrangers. Fadi al-Ghurbat Zahira, ça c'est l'étrangeté apparente. Et il dit, et c'est la base, lorsqu'on s'attache à l'islam authentique, et la personne a une pratique de cet islam qui est bonne et authentique, فالناس لا يرغبون في ذلك. Beaucoup, eux, leur désir n'est pas cela. Donc, quelque part, il va se sentir étranger parmi eux. فإذا استمسك العالم بالإسلام الصحيح. Par exemple, il dit, lorsque le savant s'attache à un islam authentique dans sa pratique, et il appelle à celui-ci, et il patiente face à cela, alors, d'une manière claire, il va ressentir cette étrangeté. Il sera étranger. بين أبناء جنسي, entre les gens de sa même nation. فإذا سلك صاحب المال في مال الطريق المحمود, comme celui par exemple qui a de l'argent, et lui il utilise et dépense son argent dans ce qui est louable et dans ce qui est bon, lui aussi va sentir une certaine étrangeté. Et comme cela, il dit ça c'est des exemples. Comme cela, c'est des exemples. فإذا الغربة ظاهرة هي تكون بالوصف. فمن اتصف بالعلم فيهم غربة ومن عندهم مال فيهم غربة etc. وأهل الجهاد فيهم غربة وهكذا. Il dit donc الغربة apparente, c'est une sorte de description, c'est un wasf, c'est une description, et donc il dit, ou une sorte d'attribution, c'est-à-dire celui qui à qui lui est attribué l'ilm, celui qui s'apparente à la science, il sera étranger par rapport à d'autres. Celui, par exemple, qui a de l'argent et qui dépense dans le bien, comme on l'a dit précédemment, se trouvera étranger. Et comme cela, ce sont des exemples. Et comme cela. Maintenant, il dit La deuxième catégorie de ghurba, la deuxième catégorie, c'est celle qui n'est pas apparente. On pourrait dire dissimulée, cachée. En tout cas, elle n'apparaît pas. Quelle est celle-ci? Il dit فَهِيَ الَّتِي لَا يَظْهَرْ أَمْرُهَا وَهِيَ الَّتِي تَنَافَسَ فِيهَا الْمُتَنَافِسُونَ وَهِيَ غُرْبَةُ صِدْقِ الْقَلْبِ وَقَصْدُهُ فِي تَوَجُّهِ إِلَى مَوْلَاهُ بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وفي الله إلى الله وفي الله فيرى هذا الغريب الناس من حوله وتكالبهم على الدنيا ورغبتهم فيها وحرصهم عليها وأنهم يرونها كأنها الباقية سبحان الله. Regardez ce qu'il dit. Celle qui n'est pas apparente, il dit, son affaire n'apparaît pas. On voit pas forcément la chose. De sorte, il dit c'est celle-ci dont se rivalent ceux qui se rivalent, ou dont se concurrencent ceux qui se concurrencent. Ceux qui se concurrencent. Il dit, ça c'est l'étrangeté de la véracité du cœur. Lorsque le cœur il est sincère. Lorsque le cœur il est véridique. Et que vraiment son désir, c'est de s'orienter vers son créateur. Et lui il est sincère. Et dans son cœur, il a de la véracité. Il est véridique. Regardez ce qu'il dit. بِحَيْثُ تَكُنْ إِرَادَاتُهُ وَرَغَبَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَفِي اللَّهِ. Que ses désirs, lui, ses intentions, sont pour Allah et en Allah, subhanahu wa ta'ala. فَيَرَ هَذَا الْغَرِيبُ النَّاسَ حَوْلَهُ. Et lui, cette personne qui essaye d'être sincère, honnête, véridique, d'avoir des bonnes intentions, et que ses intentions sont vraiment pour son créateur, subhanahu wa ta'ala, lui, autour de lui, lorsqu'on dit lui, on ne dit pas qu'il n'y a qu'une personne, mais on parle de manière, sinon aussi de manière générale, ces gens-là, qui ont des bonnes intentions, honnêtes, véridiques, dans leur intention, eux, autour d'eux, ils voient des gens que eux sont distraits par la dunya. Des gens que lui, son souci à lui, son orientation vers son créateur, son adoration de son créateur, lui, il voit qu'autour de lui, les gens, c'est pas ça leur désir. Et leur orientation, et leur volonté. Leur volonté à eux, elle est différente. Eux, ils sont absorbés, plongés, plongés, désireux d'un désir ardent de l'obtention des biens d'ici-bas. Ils sont aveuglés par les biens d'ici-bas. Alors lui, il est entouré de gens qui se concurrencent et qui désirent. C'est bien d'une manière démesurée. وَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهَا كَأَنَّهَا وَكَأَنَّهَا الْبَقِيَةَ. Et ces gens-là voient cette vie d'ici-bas comme si c'est celle-ci qui perdurera, celle-ci qui restera, en pensant que cette vie-là, c'est celle-ci qui est الْبَقِيَةَ. قَالَ يَرَهُمْ وَهُوَ مُتَّجِي فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَى رَبِّهِ طَامِعَ فِي الْجَنَّةِ مُتَبَاعِدَ عَنِ النَّارِ. Alors que lui, il pense à son au-delà. Lui, il veut le paradis. Et lui, il s'éloigne de tout ce qui mène vers l'enfer. Lui, c'est ça son désir. وَكَأَنَّهُ غَرِيبٌ فِي مَا بَيْنَهُمْ. Alors lui, qui est désireux d'obtenir la récompense de son créateur, le paradis, qui veut s'éloigner de toute chose qui mène vers l'enfer, qui conduit en enfer, alors il va se sentir étranger. Il se sentira étranger. وَكَأَنَّهُ غَرِيبٌ فِي مَا بَيْنَهُمْ لِأَنَّ قَصْدَهُ وَتَوَجُّهَ قَلْبِهِ مُخْتَلِفْ عَنْ تَوَجُّهِ النَّاسِ. Pourquoi? Parce que lui, son orientation et son désir qu'il a dans le cœur, ses intentions, sont différentes de ceux qui l'environnent. Des gens qui l'environnent. كَذَلِكَ الْخَاشِعُ الْخَاضِعُ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ بَيْنَ جَمْهَرَةِ الَّذِينَ يَخْشَعُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكُونُ غَرِيبًا. Il dit comme celui par exemple qui est dévoué, concentré, qui a de la crainte révérentielle pour son créateur, subhanahu wa ta'ala, et son cœur est comme cela. Dans son cœur il y a cette crainte révérentielle, al-khushu', la dévotion, la vénération de son créateur, et se trouvera étranger. فَهَذِهِ الْغُرْبَ الْبَاطِنَ مِمَّا يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et il dit cette étrangeté, elle est apparente ou cachée celle-ci? Elle est cachée. Et dit, c'est celle-ci dont sont concurrents ceux qui se concurrencent. Une traduction relative. قال لأن لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء لأن صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بين جلي. Et pourquoi en cela il y a une concurrence aussi? Parce que celui qui a une part de ça, une bonne part de ça, de ce qu'on a dit, de ce qui n'est pas apparent, la véracité du cœur, d'être honnête, d'être véridique, de chercher la sincérité, celui-ci, c'est clair que cette chose non apparente, ce qui est caché là, aura un impact sur son apparence, ou ce qui apparaîtra de lui, sera un impact sur al-dhahir. Regardez, ala salah al-dhahir bayin jali. Sera cette, ces bonnes intentions, ces bons désirs, ce bon fond interne, eh ben, va apparaître. Et aura des conséquences, un effet sur ce qui apparaît de lui. Ce qui apparaît de lui. قال فهاتان الغربتان مما يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون الأولى لكن هل أتان الغربتان مقصودة بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أو كما بدأ غريبا الجواب ليس الأمر كذلك. Maintenant ce qu'on vient de citer, il dit si maintenant ces deux, si on peut les citer, dire ces deux étrangetés. On comprend bien qu'il veut dire la zahira et la batina. Il dit, si maintenant la personne qui fait une observation observe, celle-ci est propagée chez les gens dans les premières générations. Ça, c'était propagé chez les gens dans les premières générations. Il dit, est-ce qu'on peut dire que ces deux étrangetés qu'on vient de citer, elles sont voulues dans le hadith? C'est ça la question. Il pose, elles sont voulues dans le hadith du prophète sallam dans sa parole, Badal Islam ghariban wa sayaud ghariban ou wa sayaud kama bada ghariban. L'islam a commencé étranger, reviendra étranger. Est-ce que ce qu'on vient de citer, ces deux formes d'étrangeté, elles sont voulues dans le récit? Elles sont voulues dans le récit. Ça c'est la question. Il dit al-jawab. La réponse. Laysa al-amru kadhalik. Il dit l'affaire n'est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. فإن قوله صلى الله عليه وسلم بدأ يعني أنه بدأ وأهله قليل عددهم. Il dit, là maintenant il va nous expliquer bien le récit, le hadith du prophète. Il dit, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'islam بدأ, il a débuté, commencé. يعني, c'est-à-dire أنه بدأ وأهله قليل. C'est-à-dire qu'il a commencé, cette religion a commencé, et ses partisans étaient peu. Il dit, c'est le sens. Que bada'a wa ahluhu qalilun. Lorsque l'islam a commencé, les partisans de cet islam étaient nombreux ou peu, ils étaient peu. Qala, adadum, yutraduna wa la yukramun, yub'aduna. ولا يقربون ولا يرفع بهم رأي ولا يقبل منهم قول ولا يتبع منهم إرشاد فكانوا قليلا أو أقل من القليل فبدأ الإسلام بهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا في مكة ثم عز الإسلام شيئا فشيئا حتى بلغ ما بلغ. Et il dit, donc en réalité, les partisans de cet islam au début, lorsqu'a commencé l'islam, le prêche et l'appel du prophète, les partisans étaient peu. Ils étaient peu nombreux. Faqala, ou yutradun, ils étaient expulsés. Wala yukramun, ils n'étaient pas honorés. Et il dit, wa yuba'adun, wala yukarrabun, donc ils étaient éloignés. Et en aucun cas, ils étaient rapprochés. La yurfa bihim ra'ay, leur opinion n'était pas considérée. Wala yuqbal minhum qawl, et leurs paroles n'étaient pas acceptées. ولا يتبع منهم إرشاد, et leur guidée, elle n'était pas suivie. فكانوا قليلا, et donc ils étaient peu. أو أقل من القليل, ou bien il dit ils étaient encore moins nombreux que le peu. Subhanallah. Et Cheikh, il nous explique, c'est ça le sens de l'islam a débuté étranger. L'islam a débuté étranger. فبدأ الإسلام بهم, et donc l'islam a commencé avec eux. Qui eux? Il dit les compagnons du messager d'Allah. Ceux qui se sont convertis, qui ont embrassé l'islam à la Mecque. Fi Mecca. Thumma azza al-islam shay'an fa shay'an. Et ensuite, l'islam a commencé à connaître la gloire petit à petit. Hatta balara ma balara. Jusqu'à que elle est arrivée à ce qu'elle est arrivée. C'est-à-dire, lorsque je dis elle, la religion. La religion. Donc là, on comprend mieux, vous avez vu, le début du récit du prophète, Bada al-Islamu. Ensuite, il dit, donc le prophète a dit, l'islam a commencé étranger. Ensuite, le prophète a dit, Wa sayaudu kama bada'a ghaliban. Il reviendra comme il a commencé. Comment il a commencé ? Ghaliban. On peut même rester maintenant sur le terme en arabe. Ghaliban. Étranger. Il reviendra ainsi. هذه الغربة ليست لأهل المتمسكين به لكنها غربة للدين. Il dit cette ghurba là, ça c'est le commentaire, hein, l'avis du shir. Il dit cette étrangeté là qui est dit, elle reviendra étranger, elle n'est pas liée, ça ne revient pas à ceux qui s'attachent aux partisans de cette religion. لكنها غربة للدين. Mais cette étrangeté revient à la religion. C'est la religion ici qui est sous-entendue. فالإسلام أول ما ظهر كانت دعوته إلى توحيد الله عز وجل والاستمساك بتنزيه الله عن كل نقص سبحانه وتعالى. في مكة كان غريبا بين العرب. فقال القائل منهم هؤلاء الصابئة خرجوا علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بخبره في الجزيرة يتناقل الناس خبره. لأنه غريب بما جاء به وقبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن غريبا بل كان معروفا فيما بينهم لكنه لما جاء الإسلام صار الإسلام في وقت غريبا بين الملل الكفر ونحل الباطل بأجمعها. C'est très pertinent ce qu'il dit, puisqu'ensuite l'auteur dit donc au départ l'islam lorsqu'il est apparu. L'islam, lorsqu'il est apparu, ça a commencé avec le prêche, l'appel au monothéisme, au tawhid. Et le fait de s'attacher, tanzih Allah an kulli naqs, a fait référence, allusion ici, à notre croyance, la croyance de tout musulman et de tout musulmane, le fait de croire en la perfection d'Allah Azza wa Jal. Et que notre Créateur, glorifié, exalté soit-il, est exempt de tout défaut. Et walillahi al-kamal. Et on lui attribue la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela en croyant en ses noms sublimes, en affirmant ses attributs de perfection. Et cela a commencé à la Mecque, il dit. Kana ghariban bayna al-arab. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a commencé, donc ça c'était étrange chez les Arabes. Ça, quand ça a commencé, c'était chez les Arabes étrange. فقال القائل منهم هؤلاء الصابئة خرجوا علينا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خبره في الجزيرة يتناقل الناس خبره. Et donc les gens commençaient dans la péninsule arabique à entendre l'information qui se propageait dans la péninsule arabique, l'information concernant le prophète, ce qui se disait autour de lui. Et cet appel du prophète dans la péninsule arabique. Les gens commençaient à entendre cela. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commençait à devenir étrange. Chez les Arabes. Il commençait à devenir, au sein des Arabes à l'époque, à la Mecque et dans la péninsule arabique, étrange. Alors que avant qu'il devint prophète, et avant que l'arrivée de l'islam, et avant qu'il reçoit la révélation, le prophète Sam n'était pas étrange. Il était étrange le prophète avant cela? Pour les gens? Non. Il n'était pas étrange. Au contraire, il était connu. Kana ma'roufan. Le prophète était connu. Fima bainahum. Lakinnahu lamma ja'a al-islam sara al-islam fi waqti ghariban. Mais lorsque l'islam est apparu dans la péninsule arabique, il a commencé à devenir étrange. Par rapport aux populations, aux gens et à leurs croyances, à ceux qui y vivaient et à leurs pratiques. Faqala sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète a dit, l'islam redeviendra étrange comme il a débuté. Comme il a débuté. Yani, il dit, c'est-à-dire que l'islam authentique redeviendra étrange. Fayestagrib, tustagrab, مبادئه وأصوله في زمن من الأزمان. Et donc ces fondamentaux de l'islam deviendront étranges. Les principes de l'islam deviendront étranges dans une époque parmi les époques. لكن بعض أهل العلم قال إن هذه الغربة يفهم منها أنه سيعود عزيزا بعد غربته. بعد غربتي. Mais dit eux, certains savants, ils ont compris, des gens de science, ils ont dit, إن هذه الغربة, cette étrangeté-là, on comprend quoi ? On comprend يفهم منها أنه سيعود عزيزا بعد غربتي. Que celui-ci, que cette religion, redeviendra glorieuse après son étrangeté. Reconnaîtra la gloire après غربتي, après son étrangeté. لأنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبا أتت بعد تلك الغربة عزة للإسلام ولأهله. Pourquoi ? Parce que alors que l'islam a commencé étrangère, a connu cette étrangeté, ensuite elle a connu la gloire. Et donc que cette gloire reviendra. ويفهم من ذلك أنه إذا عاد غريبا فإنه ستعود له العزة والتمكين بعد ذلك. Et donc certains savants, eux, ils ont compris que si l'islam alors revient étrangère, alors la gloire aussi reviendra ensuite. Puisque comme l'étrangeté, l'islam a débuté, a commencé avec l'étrangeté, ensuite a connu la gloire. Donc s'il revient à l'étrangeté, il connaîtra la gloire. Comme cela l'ont compris certains savants et dit. فإذا نظرت إلى غربة الإسلام هذه وجدت أنه من أواخر القرن الثاني بدأت النحل والأفكار تنتشر وظهر فساد المعتزلة بما سادوا به حتى أصبح المتمسك بالسنة غريبا وصار الإمام أحمد رحمه الله في وقته غريبا وكان الجميع من العلماء والعباد إلى ما رحم الله أجابوا للفتنة وصبر رحمه الله فصار غريبا وصار الحق في ذلك الوقت غريبا ثم زالت تلك الغربة لكن رجعت غربة أخرى وهكذا. Il dit par exemple, si on observe l'étrangeté de l'islam, on trouvera qu'à la fin du deuxième siècle de l'islam, à la fin du deuxième siècle de l'islam, on trouve que là a commencé à émerger des pensées, des tendances innovatrices, des pensées contraires à l'islam, s'affiliant et s'apparentant à l'islam. Donc, des mauvaises croyances, des hérésies ont commencé à émerger dans le monde musulman. Comme s'est produit, par exemple, l'émergence de Al-Mu'tazila. حتى أصبح المتمسك بالسنة غريبا. Et à l'époque, jusqu'à ce qu'est devenu le partisan de la tradition du prophète, véritablement, est devenu étranger. S'est senti étranger. Et dit comme ça s'est produit, par exemple, à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui accorde miséricorde. Et comme c'était le cas de beaucoup de savants et beaucoup d'adorateurs, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a accordé sa miséricorde. Il dit, il a patienté. Il a patienté face à cette épreuve. À l'époque, lorsqu'il était appelé, il était contraint à professer que le Coran, le livre saint, la parole d'Allah Azza wa Jal, était une création. Et lui, il a patienté et il n'a pas succombé à cela. Il n'a pas lam yatanazal. Lam yatanazal an aqidati. Et donc, il a patienté et donc, il s'est trouvé à ce moment-là, en quelque sorte, étranger. Il s'est trouvé étranger. Thumma zalat tilka al-ghurba لكن رجعت غربة أخرى وهكذا. Ensuite, cette ghurba là, cette étrangeté à cette époque, elle a cessé, elle a disparu, et une autre étrangeté est venue. Bil jumla. Je pense qu'on va terminer sur ça, en conclusion. Il est quelle heure ? Ça fait combien de temps qu'on fait ? Ça fait une heure ? Vous voulez faire une pause ? Vous voulez qu'on fait une pause de 15 minutes avant le Marlab ? Moi, c'est comme vous voulez. Moi, je peux lire, hein, Inch'Allah. Encore un peu ? Bil jumlati naqul, innaka idha darasta wa 'alimta usul al-islam, thumma nazarta ila ma hadatha li tilka usul min at-taghyir wa at-tabdil, sawa'an fi tawhid al-uluhiyyah wa fi tawhid al-asma' wa as-sifat wa bi usul al-iman wa bil-qadr wa fi ghayri dhalika min abwab al-i'tiqad, thumma ra'aita ma hasala fi hadhihi al-abwab min at-taghyir wajadta anna ahlahu alladhina tamassaku bi hadhihi al-usul wa bi tilka ad-da'a'im al-'idham annahum kanu ghuraba. ولهذا قال أهل العلم الفرقة الناجية هي الغربة وأهلها هم الغرباء. Il dit, بالجملة, avec nos termes hindous plus familiers, en gros, en résumé, d'une manière générale. Il dit, regardez, c'est très pertinent ce qu'il dit. Si, il dit, tu étudies et tu apprends, tu comprends que au sol de l'islam, les principes de l'islam, les bases de cette religion, donc tu comprends les principes de l'islam, tu comprends les bases de ta religion, si tu les apprends. Il dit, ensuite, tu verras ce qui s'est produit concernant ces principes de base de cette religion. Les principes de base de cette religion. Regardez, je reviens. Il dit, si tu as appris, tu regardes et tu apprends les principes de cette religion. Ensuite, tu regardes. Tu verras que les principes de cette religion, ensuite, tu verras qu'avec le temps, il s'est produit ce qu'on appelle le tahrir et le tabdil, de l'altération et du changement. Donc si tu as pris les bases de cette religion, tu verras, ensuite tu pourras constater le changement et l'altération de ses principes et de ses bases. Regardez ce qu'il va dire. Que ce soit dans le tawhid al-uluhiyya, de la divinité, que ce soit dans l'unicité des noms et des attributs, que ce soit dans les principes de la foi, que ce soit dans les principes du destin, que ce soit dans les principes de d'autres domaines liés à l'irtiqad, à la croyance. ثم رأيت ما حصل في هذه الأبواب من التغيير وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهذه الأصول وتلك الدعائم العظام أنهم كانوا غرباء. Lorsque tu vas constater que ces principes ensuite plus tard ont été changés, certains de ces principes de cette religion, toi tu les as appris, tu les as connus, et tu vois que parfois avec le temps certains de ces principes sont altérés, ont été transformés, que ce soit dans le domaine de l'unicité, que ce soit dans le domaine du destin, dans des questions de croyance, alors qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas constater que ceux qui sont restés sur les principes de base, comme il les a appris, ces principes qui sont des principes authentiques, de l'islam authentique, tu verras que ces gens-là seront donc des étrangers. Se sentiront étrangers. وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Pour cela, il dit, les savants ont dit, les gens de science ont dit, الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ هِيَا الْغَرِيبَ وَأَهْلُهَا هُمُ الْغُرَبَى. Il dit, الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ, le groupe sauvé. Cette appellation-là, elle est citée dans des hadiths. Elle est citée dans des textes. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans des textes qu'il y a un groupe dans l'islam, de notre communauté, de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un groupe qu'on appelle الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ, qui est appelé aussi الطَّيْفَةُ الْمَنْصُورَ, le groupe sauvé. Mansour, victorieux. Tu constateras que, et remarqueras que, Al-Firqatun Najia, donc, c'est celle qui se sent étrangère. Ce groupe-là, qui est Najia, c'est ceux qui se trouvent et se ressentent et se sentent étrangers. Étrangers. Qala, Al-Firqatun Najia, Al-Taifatun Mansoura, Kama Qala Ahlul Ilm, Min Al-Mutaqaddimin Ka Ahmed Wal-Bukhari Wa-Ghayruhum, أو وغيرهم هم أهل العلم وهم أولو الحديث والأثر لأنهم يتمسكون بما يجمع الناس الموافق والمخالف على أنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لكن المبدلين يقولون إنما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم لكن طريقتنا أحكم. Il dit, c'est pour cela que De grands savants anciens, parmi Al-Mutaqaddimin, il dit à l'instar de, comme par exemple, l'imam Ahmed et l'imam Bukhari, par exemple, et d'autres parmi eux, ont dit que le groupe sauvé de cette nation, c'est les gens de science. Ulul Ilm, c'est les gens de science. Et ils ont dit, ce sont les gens du hadith. Les gens du hadith. Et des traces. لأنهم يتمسكون بما يجمع الناس الموافق والمخالف على أنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pourquoi? Parce que eux, ils s'attachent à ce sur quoi était le prophète صلى الله عليه وسلم, aux enseignements du messager d'Allah et de ses compagnons. Ceux qui ont altéré plus tard, qui ont altéré les principes et les enseignements du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans notre nation, eux, ils disent que effectivement La voix des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est aslam. Mais notre méthodologie à nous, elle est ahkam. Certains qui ont, aujourd'hui, par exemple, ils le disent, lorsqu'on leur dit la voix des compagnons est meilleure. Et ils disent, effectivement, la voix des compagnons du prophète, elle est plus saine. Aslam. Yani, elle est à l'abri. Mais notre voix à nous, elle est plus sage. Ahkam. Mais notre voix à nous, plus tard, ça c'est des hérétiques, hein, qu'on dit ça. Elle est plus sage. Les savants de la Sunna ont dit là, la voix des compagnons, il y a aslam wa ahkam. La voix des compagnons, elle est plus saine et plus sage. Wa ahkam wa hawla al-ghuraba. يعني الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تمسكوا بالأصول الأولى ولم يغيروا ولم يبدلوا لهذا تجد أن المتمسك بما كان عليه الأوائل لابد أن يكون غريبا لما؟ لأن التمسك بأصل الإسلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا قد لا يوافق أهواء كثير من الناس. Il dit, c'est pour cela que tu vois que ceux qui n'ont pas falsifié la religion, qui n'ont pas altéré, qui sont restés sur les enseignements du messager d'Allah et de ses compagnons, sans changer. Walam yubaddilu, walam yughayyiru, ils n'ont rien altéré. Il dit, tu trouveras que ceux qui s'attachent à cela, la Buddha en yakun ghariban lima, c'est nécessaire. Ou plutôt, c'est inéluctable. Qui se retrouveront et se sentiront des étrangers. Se sentiront des étrangers. Pourquoi ? Parce qu'il dit, celui qui s'attache à la base de l'islam, et ce sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, parfois, il va conforter les passions de certains, mais parfois, ça va contredire les passions de certains. Et donc, inéluctablement, il se sentira étranger. Parce que lui, il reste sur les bases, et les principes même, et sur un islam authentique. Enfin, il dit, on va résumer cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bada l'islam ghaliban wa sayaoud ghaliban kama bada'a wa sayaoud kama bada'a ghaliban, l'islam a débuté étranger, il reviendra étranger comme il a commencé, que cette étrangeté de l'islam, le sens qui est voulu, ce n'est pas l'étrangeté des gens. Lakinnaha tulhaq bittaba, mais bien sûr, les gens seront inclus parce qu'ils suivent cet islam. Donc forcément, ils sont inclus. Mais ce qui est voulu, c'est la religion. Et pourquoi la religion revient étrangère ? Elle reviendra étrangère, dit le prophète. Il dit, cette étrangeté se fait comment ? Lorsqu'on s'éloigne des principes originels et essentiels de cette religion, des bases. فَلَمَّا ظَهَرَتَ الْفِرَقُ وَانْتَشَرَتْ وَتَكَاثَرَتْ حَتَّى بَلَغَتْ ثَلَاثَ 73 فرقة صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين 73 فرقة وصار أهلها غرباء قال كلها في النار إلا واحدة. Il dit, de ce fait, lorsque plus tard ont émergé les tendances et les firaq, les groupes, les sectes au sein de notre communauté, comme nous a dit le prophète Sam, qu'apparaîtra, il y aura 73 sectes. 73 sectes. Lorsque celles-ci ont émergé, ont apparu. Alors, il y a un groupe, qu'a dit le prophète, sallam. Parmi ces 73 groupes, il y a un groupe qui est sur la vérité. Parmi les croyants. Ce groupe-là, c'est le groupe sauvé. Et ceux-là vont se sentir, ce seront les rurabas. Ce seront les étrangers. Kulluha finar illa wahida. Le prophète, sallam, dans le hadith, il est dit, tout ne s'en affaire sauf une. قال بعض أهل العلم بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم إلى أقسام. Et donc maintenant, il dit, selon l'aspect, lorsqu'on regarde donc maintenant les gens, les individus, donc l'étrangeté, on peut la diviser en différentes catégories. L'étrangeté, on peut la diviser en différentes catégories. Il dit, منها غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام فالمسلم إذا عاش بين الكفار وخالتهم سيكون غريبا ولو كان غير متمسك بأصول أهل الإسلام والجماعة وهذه غربة عامة وليست هي مرادة وإنما المراد الغربة خاصة الخاصة وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بين الفرق جميعا بين الفرق جميعا. Regardez ce qu'il dit en résumé. Il dit si on regarde par rapport aux êtres humains, aux hommes, cette étrangeté, elle peut être de différentes catégories. Lorsque le croyant, par exemple, il vit avec des non-croyants, là il va se sentir étranger par rapport à son culte. Par rapport à son culte qui n'est pas partagé. Ça c'est une forme d'étrangeté. Le croyant aussi peut se sentir étranger dans sa propre communauté du fait que lui reste sur les principes de base et sur les enseignements et sur un islam authentique. Tandis qu'avec les siècles et le temps, les gens vont être influencés par leur époque, par les sociétés où ils vivent, et parfois ils peuvent falsifier, dénaturer et altérer la religion. Et de ce fait, ils suivent les enseignements qui sont altérés. Ça, c'est une étrangeté aussi. Donc l'étrangeté, elle se fait au sein même de la communauté. C'est-à-dire que le musulman peut être étrange au sein même de sa communauté et de sa nation. Les savants disent que ce qui est voulu dans le hadith, ici, c'est pas l'étrangeté du croyant dans une autre société, mais c'est l'étrangeté dans sa nation, dans sa communauté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étrangeté qui est générale, comme on l'a cité précédemment, et une étrangeté qui est plus particulière, lorsqu'elle est au sein de la communauté. Et il dit, celle qui est voulue, c'est celle qui est plus particulière. C'est-à-dire, quelle est cette étrangeté qui est voulue dans le hadith ? C'est l'étrangeté des gens de la sunna qui s'attachent à la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à d'autres musulmans. Qui, eux, vont pas s'attacher aux principes authentiques. Par exemple, le musulman, lorsqu'il est face aux extrémistes, le Khawarij, au groupe extrémiste, par exemple, comme on a vécu cela dans les années précédentes, il n'y a pas si très longtemps, lorsque vraiment la dawa de Khawarij, l'appel des Khawarij, a eu un impact chez beaucoup de jeunes, que ce soit en France ou en Europe ou dans d'autres pays. Et ils ont commencé à semer la corruption, à faire des exactions et autres mal. Ceux qui sont restés sur les principes enseignés par le prophète, de ne pas semer la corruption et le mal dans une société, de ne pas s'insurger, de ne pas se rebeller, de ne pas faire de tels actes, il s'est senti étranger. Par rapport aux extrémistes, il est étranger. Surtout qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu certains actes qui se sont produits dans certains pays, surtout les rébellions qu'il y a eu dans certains pays musulmans, arabo-musulmans, la masse, tout le monde approuvait ce qui se passe. Approuvait ces litiges et ces fitons, ces troupes qui se sont produits dans ces pays. La masse approuvait. De sorte que le peu de musulmans qui restaient accrochés au principe, à la sunna du messager d'Allah, et qui approuvaient pas cette corruption et ce mal et ce facède contraire aux enseignements du prophète, tuer des vies innocentes, faire des attentats, etc., contraire aux principes de l'islam et aux enseignements du prophète, le peu qui professait cela et disait à ces groupes extrémistes, et même ceux qui se disaient modérés, en réalité avaient adhéré à ça. Tout le monde était pour ça. Sauf une partie infime qui suivait les grands ulama et qui suivait les savants, qui n'étaient pas d'accord avec ce facède, avec ce mal-là, se sont sentis étrangers. Et pendant cette période-là, ils étaient étrangers. C'est ça que l'auteur nous explique. Avant qu'on se quitte, regardez, l'auteur, si vous passez certaines pages, le athar qu'il va citer après. Après le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va citer un athar. Il y a un grand rappel. On va conclure avec ça. Il dit, an Abi Umayya, qala, sa'altu Aba Tha'laba, faqultu lahu, ya Aba Tha'laba, كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم فقال بل منكم رواه أبو داود والترمذي. Regardez dans ce hasard que on va essayer d'avancer, de résumer, pas que ce soit trop long. Un hasard immense. C'est d'après Abu Umayya. Il dit, j'ai interrogé Abu Tha'laba. Il interrogea Abu Tha'laba, comme il évoque l'auteur. Il va lui demander, au sujet d'un verset, le verset 105 de la Sourate Al-Maïda, où dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit, « Ô vous qui avez cru, alaykum anfusakum, à vous vos propres personnes, la yadurrukum man dalla idha hadaytum, et en aucun cas ne vous nuira ceux qui se sont égarés si vous-même vous êtes guidés. » Une traduction littérale du verset. C'est-à-dire que l'égarement des autres vous causera aucun tort si vous-même vous êtes guidé. Idan alaykum anfusakum. À vous vos propres personnes. Alors, faqala, ama wallahi laqad sa'alta anha khabira. Donc, Abu Umayya, il pose la question au sujet de ce verset. Et Abu Tha'laba, vous avez vu, il n'a pas compris le verset. Il s'interroge. Et donc, il demande à Abu Tha'laba. Et Abu Tha'laba, il dit, tu as interrogé une personne informée. Au sujet du verset. Tu as interrogé vraiment une personne informée, car j'ai interrogé le messager d'Allah. Sur cela. Il dit, لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ فَقَالَ بَلْ اِتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. Et il dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, mais plutôt, appelez au bien, blâmez le blâmable. وَإِذَا رَأَيْتُمْ شُحًا مُطَاعًا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا فأعجب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك. Par contre, si tu vois Shuhan qui obéit, on va l'expliquer. وهوى, une passion qui est suivie, et la dunya qui a un impact. C'est une traduction littérale. وأعجب كل ذي رأي برأي, et tu as une époque où chaque personne se contente ou bien est ravi de sa propre opinion, alors là, occupe-toi de ta propre personne. Et laisse la masse. Laisse les autres. Car derrière vous, il y a des jours qui viendront. Il y a des jours à venir. Où il dit, celui qui passera sera comme celui qui tiendra une braise ardente. L'il'amili fihin, celui qui pratiquera à cette époque, aura la récompense de 50 hommes. Yarmalouni misle amalikum. Et ils œuvrent comme vous œuvrez. Qulna, ya Rasulallah. Fihinna mislu ajri 50 rajulan yarmalouna misle amalikum. Alors ils auront la récompense de 50 hommes. Comme s'ils œuvrent comme vous, qu'on a des nôtres au messager d'Allah, de nous ou bien des leurs. Et le prophète dit, mais plutôt des vôtres, c'est-à-dire la récompense de 50 compagnons dans une époque dure. Où ça sera dur de pratiquer sa religion, et il y aura une récompense de 50 compagnons. Mais regardez ce qui est dit dans le récit. La description. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِ فَعَلَيْكَ بِخَصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعَنْكَ الْعَوَامِ. La parole, elle est immense. Lorsque tu verras que le shuh sera obéi, la passion suivie, la dunya qui aura un immense impact, et que chacun sera ravi de sa propre opinion, alors fa'alayka bi khassati nafsik. Occupe-toi de ta personne. Une traduction relative. هذه الحال يكون المرء غريبا. Et donc cette personne qui va vivre à ce moment-là, il va être étrange. Il va se sentir étrange. À ce moment-là, avec cette description qu'on a faite. لم يدع إذا اجتمعت هذه الصفات الأربع. يعذر إذا لم يدعو إذا اجتمعت هذه الصفات الأربع. De sorte qu'il sera excusé s'il n'appelle pas, si ces quatre choses viennent à se réunir. À cette époque, ces quatre choses viennent à se réunir. An yujad al-shuh muta'a, lorsque celle-ci sera obéie. An yujad al-hawa mutaba'a. Wa an tujad ad-dunya mu'assara wa yarjab kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Ces quatre choses qui sont citées dans le récit. Lahid anna hadhihi al-awsaf idha ijtama'at fa inna al-qulub la tataqabbal al-iman wa la al-islam. Et donc regardez, lorsque ces choses se réunissent, là, pourquoi le prophète Sam dit que les gens à cette époque, lorsque la passion sera suivie, la dunya aura un immense impact, chacun sera ravi de sa propre opinion. Donc là, pour le croyant, il sera dur après à pratiquer sa religion. Ça sera comme s'il tient une braise ardente. Donc il aura la récompense de 50 compagnons. La récompense de 50 compagnons. Et regardez dans le hasar suivant. Dans le hasar suivant que va citer l'auteur. Rawa ibn Waddah ma'nahu min hadith ibn Umar wa lafdahu. Il dit inna min ba'dikum ayyaman. Après vous il y aura des jours. Celui qui sera patient patientera en s'attachant à sa religion bi misli ma antum 'alayhi al-yawm lahu ajru 50 minkum. Celui qui en ces jours il patientera comme vous, le prophète dit à ses compagnons, comme vous, vous patientez, ces jours-là qui arriveront, où il sera dur de patienter et de pratiquer sa religion, si eux patientent comme vous, alors ils auront la récompense de 50 d'entre vous. De 50 d'entre vous. Et là, on avance juste un peu. Regardez, ensuite il dit, dans le Athar, « Qila ya Rasulallah minhum qala bal minkum » ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفع قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم سكرتان. Regardez. Et il n'est pas apparu chez vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit dans une version avec une chaîne de transmission, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il parle d'un temps qui viendra à ses compagnons, d'un temps qui viendra. Et il dit, vous êtes à la bayinatine, sur l'affaire qui est claire, une traduction relative de votre Seigneur. Vous appelez au bien, déconseillez le mal, etc. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous n'êtes pas encore apparu et sakratan. Si on pourrait traduire de manière les deux ivresses. De manière littérale. C'est comme s'il disait aux compagnons, vous, c'est pas apparu encore. Alors, il dit, quelles sont ces deux ivresses? Il va être dit dans le récit, sakratul jahl wa sakratul hubbul aish. Subhanallah. L'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour de la vie, de vouloir vivre. Regardez, pourquoi j'ai voulu vous faire partager cela avant qu'on se quitte? Parce que là, on va comprendre quelque chose de très important. C'est-à-dire que, à l'époque des compagnons, ça, c'était pas apparu. Encore. Comme ça va être dit. Et, c'est pour cela que, je retrouve le passage dans l'explication. Eux, ces deux ivresses, donc l'ignorance et Mahabbat al-Aish, n'étaient pas apparus encore. Comme ça demande une explication, il y a un très beau passage, une très belle explication, il y a une très belle faïda. Il y a une très belle faïda que je vais. On pourra la faire si vous voulez pour faire une pause au début du cours de Tadjilid. Au début du cours de Tadjilid. Et justement, on va avoir une belle faïda sur ça. Du fait que il est dit que nous on a été touchés par des choses que les compagnons, eux, n'ont pas été touchés. Les compagnons ont été à l'abri. C'est pour cela que même certains savants ont dit, comme on verra, que les compagnons nous ont pas forcément devancé bikasrat as-salat wa siyam par rapport à l'abondance dans les œuvres, que ce soit dans la prière ou dans le jeûne. Mais eux, ils nous ont devancé du fait que la dunya n'a pas pénétré leur cœur. Eux se sont distingués par rapport à ça. Ad-dunya hubla'ish